pour vos différents besoins en électricité. C'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter, que ce soit pour les travaux résidentiels, commerciaux ou industriels. Les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini. Toute notre équipe félicite Alexandre Gagnon pour sa sélection chez les Stampeders de Calgary. C'est la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini avec notre ami Raymond Lavoie. Salut Raymond. Salut Dani. Raymond, si on parlait, il y avait le tournoi senior hier. Comment ça a été? Ça a très bien été. On a eu 72 joueurs au total. On était à 62 pour souper. On a fait une très belle journée. Un petit bouillon dans l'après-midi qui a duré à peu près une quinzaine de minutes. Mais à part ça, tout s'est bien passé. On a fait une très belle journée. OK. Est-ce que nos golfeurs de Dolbeau ont bien fait de ce que tu as pu voir ou ce que tu as entendu? Voilà. Dans les golfeurs de Dolbeau, il y a moi qui a gagné dans ma classe 55-59. Ah, c'est bon ça? Après ça, il y a Jacques Besson qui a gagné dans la classe 70-75. Pour les gars de Dolbeau, après ça, il y a eu, je pense, une troupe d'autres qui sont bien classés, non, mais de mémoire par cœur, je peux pas te dire. OK, OK. Mais on était quatre de Dolbeau qui se sont classés. Ah, c'est quand même très, très, très, très bon. Dis-moi maintenant, la semaine passée également, il y avait le tournoi de la Chambre de commerce. Ça, c'est un des gros foursomes de l'année. Comment ça a été de ce côté-là aussi? On était 100 joueurs au total. Ouais. On a servi au-dessus de 100 soupers. C'était encore une très belle journée. Il a fait très beau. Beaucoup de personnalités dans le milieu des affaires qui se sont présentées pour jouer. C'était vraiment plaisant. OK. Ça a très bien été. OK. Qu'est-ce qui se passe cette semaine-là? Les vacances arrivent, donc là, ça va être un petit peu plus tranquille, j'imagine, aussi. Oui, là, présentement, là, c'est tranquille. En fin de semaine, on a le tournoi annuel de Beau-Saint-Prime. Oui. Qui se déroule sur deux jours, une journée à Saint-Prime et une journée à Dolbeau. On a un spécial là, pour la Saint-Jean là, en fin de semaine. Là. Okay. Le spécial, c'est 4 joueurs. 4 joueurs pour 80$. OK. Un foursum de 4 joueurs, 80$. C'est-tu la première fois que vous faites ça? C'est-tu la première fois que vous laissez? Oui, c'est la première fois qu'on fait ce spécial-là. OK. Donc, évidemment, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Aussi, je pense qu'il y a d'autres activités également qui s'en viennent. Est-ce que vous faites une soirée des dames? Est-ce que c'est un concept que vous avez au club de golf, la journée des dames? Non. Non? On n'a pas ça encore. Il y a encore des choses qui s'en viennent. Là, comme cette année, on va avoir un nouveau tournoi. Oui. C'est en mode préparatoire présentement. Ça va être un tournoi familial. OK. Le tournoi des familles. Mais là, c'est encore en mode préparatoire. Ça fait que là-dessus, je te reviendrai dans une chronique prochaine. OK. Dis-moi, le tournoi bénéfice, est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Le tournoi bénéfice va se dérouler le 10 août. OK. Malheureusement, il va se faire sans président d'honneur. On n'a pas réussi à trouver un président d'honneur. Mais on l'organise quand même... nous autres même, et il va se dérouler le 10 août. Ah, OK. Donc, 10 août, évidemment, on avait attendu, parce qu'on avait peut-être un petit peu plus de difficulté. On avait toujours espoir de trouver un président d'honneur, j'imagine aussi, là. Fait que, OK. Ben, Oui? Présentement, on a arrêté de rechercher, là. OK. On a décidé de le faire sans président. Bon. Ben, Raymond, on s'en reparle même pas la semaine prochaine? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Bonne semaine à tous. Puis venez nous voir. Nos allées sont très belles, ainsi que nos verres. Le terrain est très accueillant. Puis okay. Le personnel aussi. Bon. Rendez-vous au club, il n'y a pas de problème. Ben, Raymond, on s'en parle même pas la semaine prochaine. Donc, c'était le président du club de golf de Dolbeau-Mistassini, Raymond Lavoie.